Hier encore je vivais comme un millionnaire. J'avais des dollars, je ne savais qu'en faire. J'étais reçu comme un roi dans les clubs à la mode. Whisky, champagne, cigare, des jolies blondes. J'avais des amis sur toute la terre. Rien que des sourires et de belles manières. En une nuit, tout est parti dans une partie. Thank you. les heures sont toutes